pastoral. Il n'est pas téméraire d'affirmer que l'homme primitif, qui peut être de plusieurs milliers d'années ou de siècles antérieur à celui dont nous retrouvons les restes dans les cavernes, n'eut pas d'animaux domestiques. Il ne vivait que de racines, de fruits sauvages, de mollusques et du produit de sa chasse. Peu à peu, au bout de millénaires, à la suite d'innombrables et confuses expériences, d'épaisses et obscures réflexions, il réussit à attirer, à apprivoiser, à mettre à l'abri, à soigner, à élever, un certain nombre de bêtes sans défense qui lui fournirent leur lait, leur toison, leur chair et celle de leurs petits. À partir de ces jours, son existence devint un peu moins précaire, un peu moins harassante. Il y eut une barrière, une sorte de zone protectrice, entre la vie et l'intolérable et quotidienne menace de la mort. L'âge pastoral succéda à l'âge angoissant de la chasse, de la pêche et de la faim sans rémission. On retrouve une étape analogue dans l'évolution de certaines espèces de fourmis. Sont-elles plus intelligentes que la plupart des autres demeurées guerrières, chasseuses, pilleuses, maraudeuses, moissonneuses, qui demandent à leur subsistance, à l'incertain butin de chaque jour, ou bien ne doivent-elles leur progrès qu'au hasard bienveillant qui fixa leur attention sur un point que d'autres n'avaient pas aperçu? À quelle époque naquit l'idée première? Nous n'en savons rien. Nous ignorons du reste notre propre histoire autant que la leur. Nous trouvons plusieurs exemplaires de ces races pastorales, notamment presque tous nos lasius ainsi que leurs pucerons, dans l'ambre fossile. Il faudrait donc remonter plus haut que la période tertiaire, c'est-à-dire à des milliers ou des millions d'années avant notre venue. Mais les documents font défaut. Il est fort probable qu'à l'image de ce qui se passe chez nous, la découverte surgit un jour d'une circonstance fortuite. Rôdant à l'aventure, en quête du miel quotidien, une fourmi passa à proximité d'une tribu de pucerons agglomérés au bout d'un rameau tendre et vert. Une bonne odeur sucrée atteignit ses antennes, pendant que ses petites pattes s'engluaient agréablement dans une sorte de rosée délicieuse. L'aubaine était miraculeuse et paraissait inépuisable. Aussitôt, elle emplit à le rompre le jabot collectif, l'estomac omnibus, l'outre de la cité, revint en hâte au nid, où parmi les exaltations et les spasmes de la régurgitation rituelle se propagea l'écho de la magnifique trouvaille qui promettait une ère intarissable d'abondance et de joie. Après un frémissant dialogue anténal, toutes, en longue file, se rendirent aux prodigieuses sources. Une époque nouvelle commençait. Elles ne se sentaient plus seules en un monde où rien ne leur venait en aide. L'exemple ne fut pas perdu. Néanmoins, la plupart des fourmis ne limitèrent point. Question de race, d'intelligence, de routine, d'habitude ou de préférences alimentaires, qui le dira ? Des expériences sont à faire sur ce point important qui peut nous découvrir un coin intéressant de la psychologie myrmicéenne et même des idées et des intentions de l'anima mundi. Que se passerait-il si l'on faisait adopter, comme c'est parfaitement possible, par une race pastorale à titre d'esclave, de commensal ou d'allié, une tribu qui n'ait jamais pratiqué l'élevage? Très probablement, celle-ci imiterait la première et prendrait part à ses travaux. Mais qu'arriverait-il si plus tard, on séparait complètement de leurs initiatrices une partie des récentes initiées? Adopteraient-elles, comme le feraient les hommes, les nouvelles méthodes dont elles auraient connu les avantages? Une de leurs femelles fécondées, ayant fondé une colonie nouvelle, ses enfants iraient-ils aux pucerons mellifères? On pourrait faire des expériences analogues avec les champignonistes et les fileuses dont nous allons parler. Les filles adoptives, esclaves ou alliées des fourmis jardinières, se mettraient-elles à cultiver les champignons et les commensales des fileuses, abandonnées à elles-mêmes, s'aviseraient-elles d'utiliser pour leur propre compte la providentielle et merveilleuse navette qu'on avait maniée devant elles? On le voit et on le reverra souvent. Malgré tout ce qui a été fait, beaucoup reste à faire et les champs inconnus sont encore sans limite. En tout cas, déjà nous savons que toutes les fourmis ne se sont pas contentées d'exploiter telle quelle et machinalement la grande découverte accidentelle. Quelques-unes aussi ingénieusement que l'eussent fait les hommes, l'ont graduellement perfectionnée et mise au point. Elles ont d'abord acquis la conviction que le bétail qui pâture aux environs du nid leur appartient sans conteste. Elles ont appris à rassembler, à parquer, à soigner leurs pucerons, à les traire régulièrement, ou plutôt à solliciter par des caresses et à multiplier leurs évacuations sucrées. Car il faut bien l'avouer, il ne s'agit pas ici de tirer le lait des mamelles, mais de provoquer et de faciliter, moins idylliquement, une sécrétion anale. Elles ont sélectionné leur cheptel et sont parvenues à obtenir du même animalcule 20 à 40 gouttes sucrées par heure. Soucieuses, affairées, elles vont et viennent sans cesse de leur nid aux troupeaux d'aphidiens ou de coccidés, comme de la ferme auprès nos herbagers normands. Elles accablent leurs ouailles de méticuleuses prévenances. Les moins civilisées se contentent de monter la garde autour d'elles en menaçant de leur cisaille les maraudeurs en quête de mielée, car la lutte pour la vie et la conquête des richesses naturelles est aussi ardente, aussi implacable, et bien plus ancienne que chez nous. D'ailleurs, plus pratique, nos Lasius niger, par exemple, ont eu l'idée de leur couper les ailes afin de prévenir toute évasion et de faciliter la traite. Ou bien les entourent de clôtures, leur construisent des chemins couverts, leur préparent des abris où se réfugier en cas de pluie. D'autres encore, comme la Crémastogaster pilosa d'Amérique, leur fabriquent des cages de carton pour les protéger contre les larves de la coccinelle, ou bête à bon Dieu, qui en sont très friandes. On en trouve qui, plus prudentes, leur installent des étables dans le nid et les y nourrissent. Les Lasius flavus ombratus font mieux encore. Ne sortant presque jamais et redoutant, autant que les termites, la lumière du jour, ils ont trouvé des pucerons qui ont les mêmes goûts et ne vivent que sur les racines de certaines plantes ou de certains arbres. Au besoin, par des couloirs forés dans la terre, ils vont les chercher au loin et les transportent dans les vacheries souterraines installées au fond du nid, et tout ce monde vit fort heureux dans les ténèbres. Il y a plus surprenant. Pierre Huber, dont les observations sur ce point furent depuis confirmées par Mordvilco et Webster, remarqua avant tout autre que le Lasius flavus ramasse les œufs, soigne et élève les petits de ses aphidiens et, en cas de panique, s'évertue à les sauver en même temps que ses propres enfants. Les aphidiens et les coccidés ne composent pas tout le cheptel des fourmis. Elles ont encore domestiqué certains petits insectes sauteurs dont l'énumération entomologiste serait assez fastidieuse. Mais on ne saurait passer sous silence le parti que diverses espèces de fourmis tirent de chenilles à sécrétion mielée, principalement les lichénéides, mères de nos argus. Elles enfourchent la larve qui, pour elles, représente un cheval monstrueux. Et pendant que le ver apocalyptique et insouciant se gorge de nourriture, lui caresse des antennes le dernier segment de l'abdomen qui émet la rosée dont elles sont avides. Chaque fourmi, ou parfois chaque escouade de fourmis, défend âprement sa monture contre les parasites qui tentent de l'approcher, et même contre l'homme. Avant les pluies aux Indes, selon les observations de Mrs. Willy, elles partent à la recherche de leurs chenilles qui deviendront de beaux papillons bleus, les emportent par centaines, les hébergent dans leurs galeries souterraines où elles veilleront sur leur long sommeil de chrysalide jusqu'à l'éclosion de l'insecte parfait qu'elles aideront à sortir de sa gaine, comme si elles comprenaient le mystère des métamorphoses. Plusieurs myrmécologues soutiennent que tout ceci n'est dû qu'au hasard, à d'heureuses coïncidences peu à peu transformées en routine. Une exploratrice, en quête de butin, rencontre un puceron. Indiscrète, farfouilleuse, attirée par une odeur sucrée, elle le tâte, le déguste, le trouve bon, surprend le mécanisme, elle y revient, d'autres la suivent, l'imite, l'usage se répand, s'établit, qui devient habitude, puis instinct. C'est parfaitement défendable, puisque dans l'inconnu, on peut hasarder tout. Mais quelle invention humaine résisterait à de telles interprétations ?